Les classes de mécréance, Al-Kufr. La mécréance possède des bas degrés comme la foi possède des hauts degrés. Le premier degré est le plus grave des degrés. C'est de se donner un statut équivalent à celui d'Allah. Et cela rend une personne tarout. At-tarout est celui qui s'attribue une qualité spécifique à Allah. Le second degré, c'est l'associateur. Il est celui qui adore Allah et est autre avec lui. Le troisième degré, c'est le mécréant, qui mécroit en rejetant un texte authentique nécessairement connu chez les musulmans. Le quatrième degré, c'est la personne qui n'applique rien de l'islam, ni obligation, ni recommandation. Et ceci est de la mécréance. Lorsque l'on connaît ces différents degrés de mécréance, on remarque que le premier et deuxième degré n'étaient pas visés par les savants quand ils parlaient de l'excuse par la mauvaise interprétation ou l'ignorance. Et lorsque les savants parlent d'excuses dans la mécréance, cela vise les gens qui rejettent ce qui est nécessairement connu en islam, soit parce qu'ils ont rejeté ce qui ne leur était pas parvenu, ou qu'ils ont considéré authentique ce qui est faible en vérité. Et lorsque tout cela amène à une mauvaise interprétation, il est possible de parler d'excuses tout en prenant en compte l'état de la personne, son degré de savoir, son environnement, présence ou disponibilité de la science ou pas. Dans ces cas-ci, même si la personne est dans la mécréance, il est toujours possible de lui trouver une excuse contrairement à celui qui peut obtenir le savoir. Et ainsi nous pouvons comprendre les paroles des savants qui disent qu'une personne devient mécréante qu'après l'exposition de la preuve. Et cela n'est pas le cas pour les premiers et deuxièmes degrés cités auparavant. En résumé, quiconque prend une divinité avec Allah ne peut être musulman, même s'il prétend qu'il est ignorant ou qu'il ait fait une mauvaise interprétation. Car la tawhid est une certitude et non pas un doute ou une ignorance. Celui qui atteste « La ilaha illallah » se doit d'en connaître la signification, car généralement la mauvaise interprétation est le résultat de l'ignorance. Donc si l'ignorance n'est pas une excuse, la mauvaise interprétation ne peut pas l'être non plus. L'ignorance de « La ilaha illallah » est un rajout dans la mécréance. L'ignorance de « La ilaha illallah » peut-elle être une excuse pour celui qui se prétend musulman ? Ceux qui avancent que l'ignorance de « La ilaha illallah » est une excuse se basent sur certains textes, comme le hadith de Dhat Anwat et le hadith de la prosternation de Mouad et autres. Ces hadiths sont soit authentiques mais hors sujet, soit en rapport avec le sujet mais non authentiques. En résumé, l'excuse de l'ignorance dans la grande association est divisée en deux parties. Une partie qui excuse quiconque la commet et une autre qui ne l'excuse point. En ce qui concerne ce qui n'est pas excusable, c'est l'ignorance de l'attestation de foi, c'est-à-dire ignorer le vrai sens de la shahada. Comme nous devons le savoir, la connaissance du sens de la shahada est une condition pour être musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. » Sourate 47, verset 19. Dans la traduction relative et approchée. Allah atteste aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Sourate 3, verset 18. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Sourate 43, verset 86. Al-Imam al-Tabari, rahimahullah, a dit dans le tafsir de ce dernier verset, « Le témoignage véridique est d'admettre al-Tawhid d'Allah, c'est-à-dire ceux qui ont cru en sachant la vérité du Tawhid. Ceux qui attestent en sachant la vérité, ils rendent Allah unique et sont sincères avec connaissance et certitude. La preuve est descendue avec l'envoi des messagers et des livres. Pas d'excuse après cela pour quiconque ignorant la raison principale pour laquelle les messagers ont été envoyés à cause de la négligence de la preuve. Allah a dit, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Sourate 4, verset 165. Dis, qui a-t-il de plus grand fait de témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités? Dis, je n'atteste pas. Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique, et moi, je désavoue ce que vous lui associez. Sourate 6, verset 19. Celui qui médite sur les versets de Al-Qur'an trouvera que l'égarement est propre à l'ignorance ou à son résultat. Dans le dictionnaire Lisan al-Arab, volume 8, page 80, le sens de l'égarement, Ad-Dalal. Ibn Mandour, rahimahullah, rapporte que Abu Amr a dit « Le sens du mot égarement, c'est la perte de connaissance. » Ad-Dalal, c'est tout ce que l'on peut perdre de vue, animal ou autre, masculin ou féminin. On dit « un objet s'est égaré » lorsqu'on le perd. « Il s'est égaré du chemin » quand il perd sa direction. L'égarement résulte de l'ignorance. C'est pour cela qu'Allah a traité les chrétiens et les mécréants de Quraysh, d'ignorants, quand ils ont cru que les divinités qu'ils adoraient les rapprochaient d'Allah. C'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Sourate 39, verset 3. Dans la même sourate, Allah les a traités d'ignorants. Dit, me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorant? En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Versets 64, 65. Et avec ceci, Allah ne les a pas pardonnés. Et du fait de cette ignorance résulte la mauvaise interprétation. S'il n'y a pas d'excuse pour la grande association à cause de l'ignorance. Par conséquent, il n'y a pas d'excuse à cause de la mauvaise interprétation. La seule excuse dans l'association est l'ignorance de la situation actuelle. Exemple, aveugle se prosternant pour Allah mais en direction d'une statue ou d'une idole, sans savoir son existence. L'exagération et le laxisme sont les ruses de Shaitan. L'islam provient d'Allah, propre, clair, complet et droit. Allah a dit, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur, Mohammed. Le livre, il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Sourate 18, verset 1. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3. Il ne nous est pas permis d'ajouter quoi que ce soit dans la religion. Et cela est connu sous le nom d'exagération. L'exagération est généralement liée à celui qui est méticuleux dans l'application de sa religion. Et ceci est une porte parmi les portes empruntées par Shaitan. À l'inverse de cela, on trouvera ceux qui diminuent de la religion. C'est généralement le cas du laxiste. C'est pour cette raison que les innovateurs dans l'exagération sont des proies faciles pour Shaitan, car celui-ci connaît leurs points faibles. Ils ne sont pas excusables malgré leur bonne intention. C'est le cas des Khawarij, qui ont exagéré dans le sujet de la foi, contrairement aux Jahmiya et Al-Murji'a, Al-Mushabbiha, ont exagéré dans le sujet des noms et attributs, et Al-Mu'attila était laxiste. Al-Jabriya ont exagéré dans le sujet du destin et de la destinée. À l'inverse, Al-Qadariya était laxiste. Les gens de la vérité sont ceux qui ne sont pas laxistes lorsqu'ils trouvent les textes et ne rajoutent rien lorsqu'ils n'ont pas de texte. L'exagération est blâmable dans la religion autant que le laxisme. Le musulman doit se contenter de la croyance des trois premières générations et de leur compréhension de Al-Qur'an et Sunna, surtout que le prophète alayhi salatu wasalam a fait l'éloge de ces trois générations, comme il est dit dans un hadith authentique. Quiconque invoque des règles sans preuve issues de l'Qur'an et de Sunna et qui traite par la suite les musulmans de mécréants. Aussi, d'autres prennent en considération le sens général des textes et non leur sens détaillé. Ceci est également de l'exagération, comme Al-Khawarij, qui ont proclamé que tout pécheur est équivalent à celui qui a jugé avec une autre loi que celle d'Allah. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate 5, verset 44. Ils n'ont pas différencié le péché de la mécréance. Ils ont qualifié les musulmans de mécréants par la cause de leur péché. Nous devons être prudents vis-à-vis de l'exagération et du laxisme. Les qualités du musulman, mouahid, prêchant, at-tawhid d'Allah. Celui qui analyse les versets d'Allah trouvera qu'il attribue à ses prophètes ainsi qu'aux gens pieux plusieurs bonnes qualités, que ce soit pour leur croyance ou pour leur comportement. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Sourate 33, verset 21. Et il a dit de son prophète Ibrahim alayhi salam, Ibrahim était un guide, Ummah, parfait. Il était soumis à Dieu, voué exclusivement à lui. Et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits. Et Dieu l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici-bas. Et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Sourate 16, verset 120-122. Il dit aussi, lorsque l'effroi eut quitté Ibrahim et que la bonne nouvelle l'eut atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lot. Ibrahim était certes longanime, très implorant et repentant. Sourate 11, verset 74-75. Et il a dit à l'égard de Ibrahim, Lot, Ishaq, Yaqub, alayhim as-salatu wassalam, nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ils étaient nos adorateurs. Sourate 21, verset 73. Il a dit à l'égard de Yusuf alayhi salam, ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Sourate 12, verset 24. Et il a dit à l'égard de Ismaïl, Idris et ainsi que tous les prophètes alayhim salatu wassalam. Il mentionne Ismaïl dans le livre. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat et il était agréé auprès de son Seigneur. Il mentionne Idris dans le livre. C'était un véridique et un prophète. Et nous l'élevâmes à un haut rang. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam et aussi parmi ceux que nous avons transporté en compagnie de Noé et parmi la descendance d'Ibrahim et d'Israël et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Sourate 19, verset 54-58. Il a aussi dit, et Ismaïl, Idris et Dulkif, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Sourate 21, 85-86. Et il a dit à l'égard de Ayyub, alayhi salam, et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur. Sans cesse, il se repentait. Sourate 38, verset 44. Allah dit à l'égard de Yunus, alayhi salam, le poisson l'avala, alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Dieu, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Sourate 37, verset 142-144. Et Allah dit à l'égard de Moussa, alayhi salam, et mentionne dans le livre Moïse, et mentionne dans le livre Moussa. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. Sourate 19, verset 51. Il a dit à l'égard de Daoud et Suleyman, alayhi salam, endure ce qu'ils disent, et rappelle-toi Daoud, notre serviteur doux et de force dans l'adoration, et plein de repentir à Allah. Sourate 38.1. Et il dit à l'égard de Daoud et Suleyman, alayhi salam, endure ce qu'ils disent, et rappelle-toi Daoud, notre serviteur doué de force dans l'adoration, et plein de repentir à Dieu. Sourate 38, verset 17. Et à Daoud de nos films, dont de Suleyman, quel bon serviteur, il était plein de repentir. Sourate 38, verset 30. Et il dit à propos de Zacharie et Yahya, alayhi salam, et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Nous l'exauçâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte, et il était humble devant nous. Sourate 21, verset 89-90. Allah dit aussi, ô Yahya, tiens fermement au livre, la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Sourate 19, verset 12-15. Il a dit, à l'égard de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant de Dieu grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit et s'apaisit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveille des semeurs. Dieu par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Dieu promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Sourate 48, verset 29. Allah dit concernant les qualités de ses serviteurs. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent « paix », qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Sourate 25, verset 63-64. Et aussi, il dit « en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquant Allah, et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Sourate 3, verset 190-191. Et aussi, il y a de nombreux versets montrant les qualités des prophètes et des gens pieux. Les musulmans mouahidin, monothéistes, doivent donner de l'importance à ce sujet et faire de leur mieux afin de posséder ces bonnes qualités. En effet, celui qui connaît l'histoire des prophètes et leurs apôtres et connaît les qualités des compagnons qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura la certitude que at-tawhid n'est pas une théorie mais une parole bonne dont la base est bien ancrée et dont la cime atteint le ciel. Elle donne des fruits à chaque fois par la volonté d'Allah. Allah Ta'ala dit, n'as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la cime s'élançant dans le ciel? Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Sourate 14, verset 14. Ibn al-Qayyim, rahmahullah, a dit à propos de ce verset, Allah a comparé cette bonne parole à un bon arbre, car la bonne parole donne comme fruit des actes corrects. Le bon arbre donne de bons fruits, et cela va dans le sens de la parole des savants qui disent que la bonne parole est en fait à shahada, car celle-ci donne comme fruit tous les bons actes apparents et cachés. Tout acte bon gré par Allah est le fruit de cette bonne parole. Dans le tafsir de Ali ibn Abi Talha ibn Abbas radiyallahu anhu a dit « La bonne parole est la shahada, la ilaha illallah, comme le bon arbre qui est le croyant dont sa base est bien ancrée. La parole la ilaha illallah est dans le cœur du croyant et la cime s'élançant dans le ciel. Elle élève les actes du croyant vers le ciel. » Rabi' ibn Anas rahimahullah a dit « La bonne parole est en fait l'iman. » Car l'iman est le bon arbre, sa base est bien ancrée et ne disparaît pas, et la sincérité y demeure. La cime s'élançant dans le ciel est la crainte d'Allah. La comparaison de cette parole est correcte. Allah a comparé l'arbre du tawhid dans le cœur à l'arbre dont la base est bien ancrée. Sa cime est haute dans le ciel. Celui-ci ne disparaît pas et donne de bons fruits à tout moment. Si tu médites sur cette comparaison, tu la trouveras en adéquation avec l'arbre du Tawhid ancré dans le cœur, dont les branches sont les bons actes qui montent au ciel. Cet arbre ne disparaît pas et ne cesse de donner de bons fruits en tout temps en fonction de son ancrage dans le cœur. Et de l'amour du cœur pour celle-ci, sa sincérité, la connaissance de son vrai sens et l'application de ce qu'elle implique, ainsi de sa prise de soin. On se doit de posséder le vrai sens de cette parole dans son cœur. Ce cœur qui, par le biais de cette parole, possédera une qualité. On se doit aussi de connaître sa véracité qui permet à ce dit cœur d'être accroché à Allah. La langue doit en témoigner ainsi que les actes. Et la négation de tout ce que nous avons cité doit être aussi avec le cœur et la croyance. Elle implique aussi la soumission à celui à qui le témoignage de l'unicité a été fait. Nul doute que cette parole provenant d'un bon cœur et prononcée par une bonne langue ne peut produire que de bons actes qui sont élevés vers Allah en tout temps. Cette bonne parole produit beaucoup d'autres paroles, jointes à d'autres bonnes actions, qui vont être élevées par ces dites bonnes paroles. Allah a dit, vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Sourate 35, verset 10. Allah nous informe que la bonne parole élève les bons actes, et que cette bonne parole produit chez lui qui la prononce de bonnes actions en tout temps. Ce qui est visé, c'est que la parole du Tawhid, lorsqu'elle est prononcée en connaissance de sa vérité, sa négation et son affirmation par le cœur, la langue et les actes, élèvera par conséquent les bonnes actions de celui qui en témoigne. Cette parole produit des fruits en tout temps. La mise en garde est mise en garde contre les ruses de Shaitan pour ceux qui ont appris à Tawhid et se sont éloignés de l'association et de ne pas respecter ce que Allah a ordonné et de ne pas donner d'importance à l'éducation de son âme. Une éducation correcte permet de renforcer son lien avec Allah. Il faut être vigilant quant à prétendre avoir compris At-Tawhid et s'être écarté de l'association, car At-Tawhid a des fruits et les désobéissances nuisent au Tawhid du musulman, à sa foi et à sa religion. C'est pour cela que le musulman doit être éveillé et faire très attention à croire que posséder At-Tawhid et s'écarter de l'association peuvent être un prétexte pour négliger le reste de l'islam.